je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste lâche rien, lâche rien. Si je m'écoutais, je crècherais en studio sur un matelas dans mon attelage. Tout un tas de rimes posées sur Pabla. Je compte pas m'excuser de parler cash ni 50 décodeurs. La cour d'école c'est pire, je compte rester le même déconneur. Tout rikiki, la musique sans âme est ridicule. Je lâcherai un boc de peura comme tu bloques un petit cul. Sur des monticules, de mon vrac, j'suis toujours assis. J'ai posé ma scie, refais plus le monde avec des scies. Vois pas des signes partout, arrête-toi et regarde. À quoi ça sert de rabâcher que demain ça sera pire, regarde. Les gens passent, mais je reste seul, c'est toujours comme ça. Rapper, je veux faire plus que ça. J'ai des rimes dans le sac, j'ai pas de fossiles, pas de faux ondes comme une midinette. Le micro c'est comme la vie, l'important c'est d'y être, mais pas forcément d'y rester le plus longtemps possible. Si j'ai plus rien à dire, je mettrai mon mic en consigne. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste lâche rien, lâche rien. Lâche rien, lâche rien. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste lâche rien, lâche rien. Lâche rien. C'est le retour de la vengeance, c'est oui de la tête pour valider. Mais t'inquiète pas, j'oublie pas que tout ça n'est que vanité. Je veux du beau jeu façon Brésil, paniquez pas, c'est que de la zik. Le son s'embrasse, c'est pas si grave, pas de quoi me foutre à l'asile. Style quand t'es sous extasie, je veux que t'en sois tout extasié. Ni coup de taser, ni le cul de ta sœur ne pourront me rassasier. J'ai trop la dalle, il me faut du son, comme du sang pour un vampire. Ma vie m'inspire, genre la vie, c'est impossible de l'inventer. Je fais l'inventaire, dévoile tout, mes forces face à de mes faiblesses. Je continuerai à rapper, tant qu'au micro je me faiblesse. Faites place au dunk, pas un clone de ta star préférée. Je fais des efforts, prends les métastases. Pour pas être déféré, tu m'empêcheras pas de faire comme à l'époque de sécher les cours. Comme t'empêcheras pas un chien sans laisse de sécher les couilles. Hop là, dérapage verbal, qu'est-ce tu veux écoute. Toujours cette tête de gosse qui prépare un mauvais coup. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste lâche rien, lâche rien. Lâche rien, lâche rien. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste lâche rien, lâche rien. Je vais rien lâcher, leur coup de vie c'est mon motif. Des charges de rimes je rotine, seul tout dans cette putain de lit. Je m'en bats les reins de leurs règles, allez je le dis, je veux rester authentique. Entendre mon sang retentir, je vais rien lâcher, entends-tu. Je lâche rien, sceptique c'est la mienne, je vais pas leur laisser. Rubrique nécro-rapologique, MC, j'annonce ton décès. MBC ordi, je dis-t-il mes 16 comme un petit leur dit. Oublie le temps perdu, l'important c'est d'arriver à leur dit. Alors dis-leur que je lâche pas, que ça marche ou que ça marche pas. Que les mots je les mâche pas, qui dira que je lâche pas. Dans cette merde de son, provoque des vagues et des soubresauts. Frais comme un glaçon, sans le son, histoire de sombre sous. Passe-moi la clé de sol que j'ouvre les portes au lieu de les défoncer. Je lâche rien, ouais ouais, hors de question de renoncer. Autre thème, même conclusion, je garde mon état d'esprit. Prends le microphone, tant s'il te plaît, rap sans merci. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste je lâche rien, lâche rien. Lâche rien, lâche rien. Je veux rester simple et je lâche rien, lâche rien. Ni diable ni petit saint, je lâche rien, lâche rien. Ni lâche ni fou, juste je lâche rien, lâche rien. Lâche rien. Lâche rien.